t'as comme tous les autres un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Une cabane perdue dans la campagne près de Turin. Je suis dans l'un des QG des opposants au chantier de la TAV, la ligne à grande vitesse censée relier Lyon à Turin. L'ambiance est à la détente et à la rigolade entre minestrone, fromages locaux et vin rouge du Piémont. Difficile de croire qu'on est à la veille du procès de l'un des plus grands écrivains italiens contemporains. À la lutte. À la vie. À la vie. Eri De Luca risque jusqu'à 5 ans de prison pour avoir affirmé que la TAV devait être sabotée dans une interview donnée au Huffington Post en septembre 2013. C'est un honneur pour moi de recevoir une incrimination pour ce que j'ai dit. C'est un honneur pour moi comme écrivain de défendre mes mots. Et pourtant, la position d'Eri De Luca ne date pas d'hier. Depuis 10 ans, il soutient les habitants du Val de Suse en Italie qui s'oppose à ce chantier controversé entre coûts exorbitants, conflits d'intérêts et catastrophes environnementales causées par le forage d'un tunnel de 57 km dans les montagnes. La vallée est aujourd'hui militarisée et les militants de Notav subissent une violente répression d'État depuis 2005. Je retrouve Eri De Luca à son hôtel avant son procès. Militant de la gauche révolutionnaire dès la fin des années 60 et écrivain de passion, il a gagné sa vie en étant maçon et ouvrier dans l'automobile. À 64 ans, il vient de publier La Parole Contraire, un pamphlet irrévérent qui démonte l'accusation. Je suis incriminé pour ce que j'ai dit. Vous regrettez d'avoir dit ça? Non. Je ne regrette pas. Et du moment que j'ai reçu ce papier, cette incrimination, j'ai continué à redire le verbe saboter. Je l'ai dit comme un mantra. J'ai dû le dire et je le dirai à outrance jusqu'à la fin de ce procès. J'ai une idée juste et nécessaire du verbe saboter qui ne regarde pas le fait qu'on fait des dégâts dans une machine ou dans un... Regarde le fait qu'on fait de l'opposition et cette opposition a la force de ce verbe saboter. Vous dites que ce procès, c'est votre premier prix littéraire. Pourquoi vous dites ça? Parce que mes mots ont été pris au sérieux au point de pouvoir déterminer des réactions criminelles dans les lecteurs. Ça, c'est un succès extraordinaire. Vous êtes finalement le porte-parole aujourd'hui de la désobéissance civile? Non. Je ne suis pas le porte-parole de personne, je suis le porte-parole de moi-même. Mais je suis quelqu'un qui porte l'écoute de certaines personnes qui n'ont pas l'accès à une écoute publique. Le lendemain, lundi 16 mars, j'accompagne Eri De Luca au tribunal de Turin pour ce premier jour d'audience. C'est la LTF, la société Lyon-Turin Ferroviaire, qui a porté plainte contre l'écrivain pour incitation au crime. Un chef d'accusation digne d'un polar. Aujourd'hui, est-ce que vous faites le procès d'un individu ou est-ce que vous faites le procès des mots et de la liberté d'expression? Non, je fais de faits. Mais vous comprenez, vous êtes journaliste, bon, vous comprenez qu'avec les mots, c'est possible de faire de crimes. Le mot, c'est pas libre surtout. Nous avons la conviction qu'Eri De Luca a dit quelque chose que c'est pas seulement la liberté de presse ou d'expression, mais c'est surtout un véhicule pour faire fait à d'autres personnes des actions de crimes, de délits. Ils sont nombreux ce jour-là à être venus soutenir l'écrivain, livre à la main, brandi en silence. Pendant 4 heures, j'assiste non pas au procès d'un homme, mais au procès de toutes les rébellions qui embrasent le Val de Suse. La défense va lister les nombreux incidents survenus sur le chantier du TAV, bien avant même qu'Éric De Luca ne prenne la parole. Il veut démontrer ainsi que les mots de l'écrivain ne sont pas responsables de la lutte, parfois violente, des opposants au projet. Au regard des protestations de décembre 2005, vous souvenez-vous qu'il y avait déjà eu des procédures pénales engagées à l'encontre des manifestants et que la moitié d'entre eux avaient été blessés? Éric De Luca devait être aussi auditionné ce jour-là, mais faute de temps, la suite du procès se tiendra le 20 mai prochain. S'il est condamné, Éric De Luca ne fera pas appel. Lassé de cette procédure, il ne répétera pas encore une fois les mêmes arguments devant une autre cour. Mais il continuera à user de sa liberté de parole, qu'elle soit contraire, militante ou qu'elle nous raconte simplement des histoires d'amour dans le sud de l'Italie. C'est officiel, Éric De Luca, le 19 octobre, ce lundi 2015, là, eh bien, il ne sera pas reconnu comme un vilain, méchant loup pour le mot utilisé de sabotage. Je redeviens citoyen quelconque, a commenté De Luca, après la sentence accueillie dans la salle du tribunal, par de nombreux applaudissements. Je descends de l'estrade sur laquelle on m'a hissé malgré moi. Mais je continuerai à utiliser le dictionnaire pour exprimer mes convictions. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ce pays. Alberto Mitone, l'avocat de la partie civile, la société franco-italienne qui construit le train à grande vitesse, a quant à lui affirmé qu'il continuait à penser que dans des moments de forte tension sociale, faisant référence aux affrontements de 2013 en Val de Suse entre les forces de l'ordre et les adversaires du projet, il doit y avoir des limites à respecter, à plus forte raison de la part d'un intellectuel dont les paroles peuvent toucher de nombreuses personnes. L'éventualité que l'écrivain puisse faire 8 mois de prison ferme pour de simples déclarations avait suscité une large mobilisation en sa faveur et en défense de la liberté d'expression, bien au-delà du monde de la culture. La question du Val de Suse demeure une question qui me concerne. De ce procès, je garde la solidarité de toutes les personnes qui m'ont soutenu. À la fin de ce procès, Éric De Luca continue à affirmer ce qu'il affirmait avant qu'il ne s'ouvre, quand le risque d'aller en prison était réel, à savoir la conviction que la soi-disant grande vitesse doit être contrecarrée, empêchée et sabotée par légitime défense du sol, de l'air et de l'eau. Donc on est à Saint-Amand-Roche-Savine, au milieu de l'Auvergne, à côté d'un petit pays qui s'appelle Ambert, qui fait un très bon fromage, et qui est entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Voilà. Donc c'est une commune sympa, un peu différente de celle qu'on a l'habitude de connaître, avec un maire et puis des habitants qui sont chouettes, alors qui accueillent le DAL, droit au logement, dont je suis un des porte-parole, et qui accueille depuis 3 ans dans un collège pendant l'été, pendant une dizaine de jours, qui accueille nos rencontres d'été. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste Hérault. Tu l'écris comment? Je l'écris E-Y-R-A-U-D. Donc, bon, il s'écrit bizarrement et c'est un prénom de parpaillot. Voilà. Et depuis 3 ans, donc, nous voilà ici à Saint-Amand-Roche-Savine, où on se rencontre, on discute et puis on se forme aussi par rapport aux nouveautés, aux bonnes nouvelles et aux mauvaises nouvelles qui nous arrivent aussi régulièrement parce que le DAL a pour vocation de défendre et d'organiser les mal logés, les sans logis et puis les locataires aussi, de plus en plus les locataires en logement social. Alors l'association s'est créée en 1990, donc ça fait 25 ans. Je suis un des fondateurs de l'association. Et le combat a commencé encore avant, quelques années avant, à Paris, au milieu de toute l'agitation spéculative qui était lancée à l'époque par Chirac, maire de Paris, et qui avait tout à la fois, parce qu'il était Premier ministre, fait adopter une loi qui était contre les locataires. Oh, un courant d'air. C'est pas mal le bruit. Un courant d'air annonciateur d'un rafraîchissement. Peut-être un orage qui va nous rafraîchir. Et donc Chirac avait promulgué cette loi contre les locataires pour donner raison aux propriétaires, aux rentiers, aux promoteurs, aux spéculateurs de tous bords. Et puis également, il avait lancé la reconquête de l'Est parisien, c'est-à-dire comment chasser au fond les classes populaires de la capitale. Voilà, il a commencé, oui, tu vois, au milieu des années 80. Et d'ailleurs, on voit 25 ans après que Paris, de moins en moins, une ville populaire, alors qu'elle l'a été tout le temps. C'est la ville des révolutions, de la Révolution française. Et puis, le peuple dictait sa loi à Paris, même au roi. Et puis, on a eu la Commune de Paris, et on a eu encore mai 68, etc. Enfin, bon. Donc, les riches et les possédants et le pouvoir, c'est toujours interrogé depuis 200 ans, justement, comment dégager ces classes populaires de Paris qui peuvent à tout moment provoquer une révolution. Voilà. Alors, le DAL, après, dans ces années-là, il y a eu des familles qui ont été mises à la rue. Il y a eu des incendies aussi qui ont provoqué beaucoup de morts et beaucoup d'indignation, des mobilisations dans l'Est parisien. Et puis il y a eu des réactions, des campements qui ont été installés pour que la ville de Paris reloge les familles sinistrées, des immeubles qui ont été squattés aussi par des familles à la rue avec un mouvement naissant qui faisait l'alliance entre les alternatifs, les squatteurs alternatifs et puis les mal logés, la question sociale du logement. Et c'est de ça qu'est né le DAL, au fond, en 1990, après une lutte, un campement avec 50 familles expulsées, dont je faisais partie d'ailleurs, et parce que j'habitais dans un des deux squats qui avait été expulsé. Et bon, à l'issue de cette lutte, on a décidé de créer une association déclarée. Combien vous êtes alors au DAL ? C'est comme ça ? Le DAL ou au DAL ? Droit, voilà, droit au logement, association droit au logement. Combien on est ? Oh, bah, les mal logés sont adhérents de l'association. Donc, c'est un syndicat, en fait. C'est un syndicat, et d'ailleurs, c'est une façon de dire, si je pensais à ça là, tout à l'heure, c'était une façon de dire que même les mal logés, les sans logis peuvent s'organiser pour faire valoir leurs droits. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la charité. Ils peuvent s'organiser, lutter et obtenir des victoires. Finalement, l'histoire du DAL, c'est une suite de réussites, de victoires, de campements, de réquisitions, d'invasions, d'actions, de manifestations qui débouchent sur des relogements, qui débouchent sur des milliers de relogements. De familles qui ont été relogées, des mal logés, des gens qui n'auraient jamais pu accéder à un logement social. S'ils n'avaient pas, si c'était pas engagé dans un combat collectif, des luttes sociales qui leur ont donné aussi une dignité. Parce que quand tu luttes, tu relèves la tête. Et tu sors d'une certaine résignation, d'une oppression. Voilà, tu es là, et tu dis, moi j'ai des droits, et je me bats avec les autres pour pour faire valoir ses droits. Et l'autre idée aussi, c'est de dire on sort de la situation individuelle dans laquelle on est et dans laquelle on nous plonge. Parce que le travailleur social ou le système plonge les gens dans la solitude, dans l'isolement, et y compris quand ils sont, et encore plus quand ils sont en situation de misère, de détresse, de dénuement. Et donc c'est là aussi qu'il faut qu'ils retrouvent la dignité. Alors l'idée finalement, c'est de dire bon bah écoute, oui t'as un problème de logement, oui t'as des droits. Bon, on va regarder. Il faut regarder si tes droits, tu peux les faire valoir. Hein, évidemment, hein, tu peux les faire valoir, mais tu vois, s'il y a des choses, des démarches à faire là pour dire faire un petit peu avancer la situation. Et puis, de toute manière, ton problème, tu ne le régleras que si tu te mets avec les autres. Les autres qui sont dans la même merde que toi. Voilà. Et faut attention, hein, parce que quand on est en difficulté sociale, on va pas regarder ce que vivent les autres, on regarde pas à côté. Hein. Donc, on en discute, ils discutent, chacun présente sa situation, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, ça fait un groupe et on va rejoindre ceux qui sont déjà en lutte, qui ont de l'expérience, qui ont fait des mobilisations. Et puis voilà, le courant, il part comme ça. Alors, moi, je trouve le bilan de la mobilisation des mal-logés, des sans-logis, qui a été essentiellement animé par le DAL et qui a été d'ailleurs soutenu par beaucoup de mouvements ou relayé, tu vois, où cette mobilisation, elle a abouti à des résultats qui sont la création de nouveaux droits, par exemple la loi Dalo, le droit au logement opposable, qui est une conquête des mal logés, hein, c'est une évidence, ou bien d'autres droits comme ça, la criminalisation des expulsions illégales, ce qui n'était pas acquis, après tout, propriétaire, il met son locataire dehors illégalement, sans jugement, c'est pas facile de réintégrer les habitants. Ou bien le droit à un logement, pourtant tout ça c'est des évidences, hein. Mais c'était pas écrit dans la loi. Le droit d'être logé quand on habite dans des logements qui sont reconnus comme insalubres, dangereux pour la santé ou l'intégrité des habitants. Des choses comme ça. Donc, et la loi Dalo, c'est une loi qui dit quand tu es mal logé, sans logis ou menacé d'expulsion sans relogement, eh bien, tu remplis un dossier et tu présentes ta situation devant une commission départementale, laquelle, si elle considère que tu rentres dans les critères, eh bien, tu es reconnu comme prioritaire et tu dois être relogé en urgence par le préfet dans un délai de 6 mois. Ah ouais. Donc c'est une loi quand même qui donne un droit, et c'est un guichet ouvert en quelque sorte à tous ceux que nous on défend et qu'on organise depuis 25 ans. Quand je dis nous, d'ailleurs, c'est une des règles du DAL, c'est aussi de faire, de mobiliser les mal logés, de les rendre actifs dans les décisions et les négociations qui vont être conduites au fur et à mesure des combats. Hein. Bon, y a une négociation toujours, c'est-à-dire y a une lutte. Il faut aboutir, il faut que cette lutte, elle aboutisse. Elle aboutit parce qu'il y a une discussion avec les acteurs du logement, les responsables du logement, qui peuvent être l'État, le maire, des bailleurs sociaux, des grands propriétaires, je ne sais pas quoi. Et donc, là, il y a une négociation. Donc là aussi, on les apprend à parler avec ceux avec qui ils parleront jamais. Normalement, ils passent le balai quand ils ont fini... À la fin, des horaires de bureau, ils nettoient les poubelles, ils nettoient les chiottes, tu vois. Et puis voilà, moi je me souviens d'actions qu'on a menées dans des grands hôtels. De temps en temps, on va dans des grands hôtels et on occupe des grands hôtels, quoi, quelques heures. Hein. Et faut regarder ces mères de famille qui s'installent dans les. Au début, elles n'osent pas d'ailleurs s'installer dans le salon des clients, tu vois. Puis au bout d'un moment, elles y vont, et là, tu vois, elles ont le sourire, quoi, c'est un bonheur incroyable, tu vois. Finalement, de se mettre de l'autre côté, elles jouent le rôle, enfin, tu vois, à ce coup-là, c'est moi qui pose mes fesses, là, sur ce fauteuil de luxe, et ben, je vais en profiter, même si ça dure qu'une heure. Bon, mais c'est un peu tout ça, c'est cette idée, finalement, de montrer que les plus opprimés peuvent s'organiser. Et peuvent lutter, et qu'ils ont des droits. Et il ne s'agit pas de les traiter avec charité. La charité, on s'en fout. Tu vois, la charité, elle ne nous intéresse pas. Si tu veux nous aider, tu rejoins le DAL, tu milites avec nous, ou tu nous envoies un peu d'argent. Parce que il faut faire tourner la structure. Et à ce propos, vous avez des subsides, comme on dit. Vous fonctionnez comment, en fait? Ben d'abord, il y a les cotisations, parce que les mal logés, ils cotisent. Les adhérents d'un syndicat, ils cotisent, tu vois. Donc, il y a les cotisations. Il y a les campagnes de dons. Justement, les petits fleuves font les grands ruisseaux. Bon, donc, il y a des gens qui suivent notre combat et qui nous envoient régulièrement un petit chèque, parfois un gros chèque, voilà. Et puis, en complément, il peut y avoir des subventions. Non, des fondations aussi qui peuvent faire des dons aussi, hein. Des fondations, des comités d'entreprise avec des syndicats qui nous envoient aussi un peu de sous. Puis, il peut y avoir un peu de subventions aussi pour compléter... le budget, quoi. Mais c'est pas des budgets énormes. D'abord, il y a quelques salariés au DAL, on a plafonné toujours les salaires, tu vois. Faut pas que ça dépasse 120% du SMIC. C'est ça l'idée. Bon. Et puis, il faut également... Toi, on a fixé des règles comme ça pour protéger l'indépendance du mouvement et éviter la bureaucratisation. Par exemple, des mal logés qui sont, tu vois, on a un système comme ça où les mal logés, bon, il y a des collectifs, il y a des délégués dans les collectifs, des familles qui ont un petit peu, des gens qui ont un peu le sens, tu vois, des autres, et qui vont s'engager pour aider, pour organiser, pour structurer, tout ça. Bon, donc eux, c'est les délégués. Alors les délégués, ils sont très actifs, ils participent aux réunions, tout ça, quand on prépare les actions, etc. Et puis il y a aussi les militants. Les militants. Bon, en général, c'est souvent des gens qui ont connu un peu des galères de logement, voilà, ou qui ont été relogés, des mal logés, qui ont été relogés, qui ont dit, bon, ben, je continue le combat. Voilà, c'est un peu comme ça que se constituent les forces du DAL, les forces militantes, les forces vives. Alors, il y a une trentaine de comités en France, dans des grandes villes, pas partout. Il y en a qui sont créés, et puis les animateurs sont un peu fatigués, donc le comité il se met en sommeil, puis il y en a un autre qui réémerge ailleurs, etc. Voilà, ça tourne un peu comme ça, et sinon... Tu veux dire qu'il y a plusieurs dalles, c'est ça? Il y a des comités dalles, un peu dans une trentaine de comités dalles dans différentes villes de France. Hein. Bon, le plus gros, c'est le DAL Paris et environ, parce que c'est là où la crise, évidemment, est la plus forte, hein, la plus violente, parce que c'est là que le logement est le plus cher. Et donc, où la spéculation est la plus vive et où l'accès au logement social est le plus difficile. Tiens, toi qui est vraiment dans le sujet, hein, moi je ne connais pas bien, mais la crise du logement, tu disais que c'était en 90 avec Chirac que ça a commencé, cette espèce d'idée de baquer un peu les gens... qu'on dit populaire comme ça pour amener, c'est un peu, j'ai l'impression, parce que je fais référence aussi à la Belgique, avec, enfin moi c'est pas du tout, je suis pas une pro du tout de la question, mais c'est aussi un peu la même idée, hein, au cœur de Bruxelles, pour le moment est occupé à se négocier des choses, tu sais, pour faire venir le tourisme, et donc on dit qu'on va refaire des maisons sociales, on enlève les gens de leur habitat pour... Ils pourront jamais y revenir parce que ça va coûter beaucoup plus cher, quoi. Est-ce que c'est un peu le même principe, hein, en Europe, j'ai l'impression, non? Oui, c'est ça. Dans toutes les vieilles villes, bon, donc les villes européennes, hein, le modèle, c'est la gentrification des centres-villes. Mais d'ailleurs, même aux États-Unis, qui étaient plutôt sur un modèle, on va dire, les tours au milieu, et puis, mais pas forcément des tours d'habitation. Et des quartiers réservés dans les banlieues, tu vois, suivant les différentes catégories sociales, classe moyenne aisée, tout ça, tout ça. Bon, là, le modèle est en train de changer. Effectivement, les gate communities, là, comme on dit, c'est-à-dire les communautés fermées, tu vois, où il faut du fric pour lesquelles il faut être riche pour habiter dans ces groupes, en réalité, se rapprochent des centres, parce que c'est la question des transports, etc., etc. Donc, on se rapproche des lieux de pouvoir. Bon, alors, la gentrification, elle est opérée. Nous, on appelle l'épuration sociale. Voilà. Comme ça, on comprend mieux de quoi il s'agit. Mais elle se fait un peu partout, hein. Bon, à des rythmes différents. Mais il y a un modèle, en fait, qui s'est construit, sans doute dans les années 90, à travers un truc qui s'appelle le marché international des professionnels de l'immobilier, où ils ont progressivement, je dirais, modélisé un peu le moyen de faire du fric sur le logement, donc de spéculer, de faire monter les prix, de donner des valeurs, de donner de la valeur à des quartiers qui n'en a pas, donc en virant les classes populaires, tu vois, ou en virant les ateliers, les activités industrielles ou semi-industrielles, de préférence autour des gares, hein, des nœuds de transport, tu vois, bon, ou des zones où là où il y a des secteurs un peu où il y a un peu pourrait y avoir un peu d'attractivité à la fois professionnelle ou culturelle ou je sais pas touristique, bon. Et donc, ça, ils savent faire ça très bien. Donc, ils font ça, ils font monter les prix. Puis après, une fois que c'est les prix sont montés trop haut, ils changent de pays et puis ils vont faire le même bordel à côté. Hein. Et puis, bon, bah, c'est les populations qui essuient les plâtres, hein, qui se bouffent la crise. Donc, ça, c'est un modèle qu'on voit bien. Là. On l'a un peu, on l'a mis à jour récemment. En particulier en rencontrant d'autres mouvements de lutte européens, dans les pays européens, qui vivent la même chose finalement. Mm. La gentrification, l'épuration sociale des centres, elle est vraiment générale en Europe aujourd'hui. C'est massif. On vire les classes populaires, les ménages modestes, on les dégage. C'est aussi la centrifugeuse sociale, tu vois. On dit ça aussi, la centrifugeuse sociale. Et donc, plus t'es pauvre, plus tu vas loin. C'est un peu... tu vois. Bon, donc, alors c'est pas... Attention, on va dire c'est une tendance, hein, parce que tout n'est pas exactement comme ça. Mais, voilà, on a aujourd'hui ce modèle-là qui fonctionne et qui est basé sur le fric. Bon, le profit, on fait du fric. Et en France, on a cette difficulté majeure, c'est que les prix sont très très élevés, les prix du logement sont très élevés. Ensuite, bon, de circonstances qui ont été encouragées par les institutions publiques, surtout dans les années 2000. Et donc, aujourd'hui, on est bien dans la merde, parce que le logement est trop cher, les loyers sont trop chers. Alors, l'accès à la propriété, il est rendu très difficile à cause de la cherté du logement. La production de logement social, elle n'est pas suffisante et il reste le logement privé, le locatif privé, bon, qui est évidemment inaccessible dans les centres-villes, et, bon, qui n'a jamais été aussi élevé. Il faut savoir qu'à d'autres périodes de notre histoire, on a eu, par exemple, entre la première et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bon, les loyers ont été très faibles, à tel point d'ailleurs que c'est un vieux syndicaliste qui me disait que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le tabac coûtait moins cher que les loyers, tu vois. Allez. Aujourd'hui, les locataires, ils mettent 30, 40, 50% de leurs revenus là-dedans. Alors, petite précision ici, dans ce cas-ci, on ne sait jamais qu'il y a quelqu'un qui écoute vraiment ce micro ouvert. Eh bien, quand Babar dit que le tabac est moins cher qu'un loyer, et que moi-même, je réponds trop fort, avec un petit rire tout bête, comme ça, eh bien, c'est pas ça qu'il voulait dire. Hein. Et pourtant, on s'est compris quand même. C'est ça, la communication, elle est folle. Babar voulait dire, en gros, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le tabac était plus cher qu'un loyer à l'époque. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, c'est une petite précision. Dire aussi qu'il est 10h30 du soir, que voilà, on a déjà une journée bien passée dans notre dos et que je pense qu'on est un peu fatigué. Parce que, et d'ailleurs, plus les gens ont des bas revenus, plus ils mettent cher et plus ils ont des surfaces petites. C'est-à-dire, plus ils ont des petites surfaces qui louent beaucoup plus cher au mètre carré, parce que plus la surface de logement est petite et plus le loyer est cher. Et plus le logement est dégradé, etc., etc., donc évidemment, et plus eux, ils payent par rapport à leur capacité contributive. Et donc, il y a une forme d'exploitation aujourd'hui très brutale des bailleurs, hein, les grands bailleurs, les sociétés privées, les riches propriétaires, à l'égard des classes populaires. D'ailleurs, les locataires sont de plus en plus dans les classes populaires, ce qui était moins vrai il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Toi. Aujourd'hui, c'est une tendance lourde. Plus tu es pauvre, plus tu es locataire. Et donc, et plus tu payes. Et plus tu te serres la ceinture à la fin du mois, parce que sinon, tu ne payes pas, tu es dehors. Et si tu es dehors, c'est la mort. Une fois que tu es dehors, tu crèves. C'est-à-dire que tu perds ton boulot, bon, si tu en avais un, tu perds tes contacts. Si tu avais des contacts, là, bon, tu les perds. Et puis, tu perds aussi ta famille. Et puis, tu perds ta dignité, tu perds ta santé et tu finis au cimetière, quoi. Donc, l'espérance de vie, d'ailleurs, d'un sans-abri, aujourd'hui, est de 15 ans. En 15 ans, tu passes de la vie au trépas, tu vois, parce que tu vis dans la rue. Par contre, et l'âge moyen, de, malheureusement, de décès d'un sans-abri, aujourd'hui, c'est 49 ans. Or, l'âge moyen de décès pour un homme, c'est 83 ou 84 ans, et pour une femme, 88 ou 89 ans. Voilà. C'est ça, la brutalité aussi de la crise du logement. Et on a de plus en plus de sans-abri. Et quand on a des familles avec des enfants qui sont dans la rue, c'est encore pire, c'est encore plus violent. Donc il y a des solutions, bien sûr, qui existent, hein, mais c'est des solutions qui passent d'une part par une volonté... d'un pouvoir politique qui n'a absolument pas la volonté aujourd'hui d'encadrer ou de limiter le niveau de prix des loyers, hein, le niveau des loyers et des prix de l'immobilier et du foncier. D'ailleurs, même l'État aujourd'hui spécule. Ouais. Il a des terrains, il y a beaucoup de terrains, les entreprises publiques ou semi-publiques, etc. Et ils vendent au plus offrant. Alors, ils mettent un peu de logement social pour dire, bon, OK, on met un peu de logement social. Mais au fond, ils vendent le plus cher possible. Ils vendent au marché. Alors, les promoteurs sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent. Puis derrière, ils revendent aussi. Ouais, ils revendent à des gens qui ont un peu de fric et qui vont louer le plus cher possible. Voilà, donc, c'est une chaîne comme ça d'exploitation qui finit par ceux qui sont dehors, quoi. C'est le bout de la chaîne, dehors, cimetière. Voilà. J'imagine qu'avec le temps, tu as dû voir de plus en plus comme ça une montée de gens dans la merde, non? Oui, ben on a vu des générations, 25 ans, j'en ai vu passer. Hein. Mais bon, ceux-là, je pense que... tu sais, maintenant, quand les gens ils ouvrent la porte du dalle, ils savent à peu près où ils vont, quoi. Enfin, on leur explique, on manque pas de leur rappeler, de leur dire, tu sais, la solution, tu la trouveras pas en attendant le facteur, quoi. Tu vois, c'est pas le facteur qui t'amènera la bonne nouvelle si tu bouges pas tes fesses. Et voilà. Bon, donc, on s'organise. On s'organise, et puis ceux qui sont là, ceux qui se mobilisent, c'est ceux qui seront relogés. Ceux qui ne se mobilisent pas, ils passent à côté. Alors, ils comprennent au bout d'un moment, ils comprennent peut-être qu'il faut qu'ils se bougent aussi. Tu vois, c'est un truc comme ça, c'est cette dynamique-là qui fonctionne. Et au fond, les classes populaires, si elles pouvaient s'organiser mieux par rapport à la situation d'oppression dans laquelle elles sont, bon, c'est sûr qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait une autre société. Et je pense qu'on réfléchirait un peu plus à l'avenir. On serait un peu moins productiviste. Tu vois, il y a tout ça, quoi. Parce que, bon... là, on a une situation de violence, une société qui est quand même violente, parce qu'elle laisse crever avec la richesse qu'on a, qui laisse encore crever des gens dans la rue, qui continue à faire des guerres, tu vois. Bon, donc tout ça, c'est une société qui va dans une impasse. Et moi, je pense que si les classes populaires s'organisent un peu, si les opprimés enlèvent un peu la tête et tout, bon, on peut espérer un avenir meilleur, tu vois. Moi, j'imagine, comme ça, sans le connaître, que ce qui est important, c'est aussi de créer des actes forts. À plusieurs, évidemment, on est plus fort, mais aussi de se mobiliser dans des endroits intéressants, stratégiques, pour faire parler aussi, justement, de tous ces gens qui se retrouvent dehors de leur maison, d'abord, ou du système, ou... j'avais envie de dire ça, moi. Mais je trouve, par rapport à ce que tu dis aussi... on est vachement dans une société hypocrite. C'est-à-dire qu'en apparence, on dit qu'on est dans démocratie et qu'on se soucie des gens, et en fait, c'est pas vrai. C'est ça qui est complètement fou. Hein, parce que s'il y avait vraiment une volonté au niveau politique, donc du vivre ensemble, de penser aux gens qui ont des faibles revenus et tout le reste... Eh bien, ces gens, on en prendrait soin, quoi, tu vois ce que je veux dire. Le système, c'est pas vraiment ça, ça... c'est pas vraiment ça sa volonté, quoi. C'est plutôt penser en termes de profit, d'argent, et c'est ça qui, je trouve, qui est violent, c'est qu'on oublie les gens derrière ça, quoi. Et ça, c'est terrible, hein. Pour une société, quoi, c'est terrible. Bien sûr, c'est clair que... Les inégalités sont creusées hein, ces 20 dernières années. On a un modèle, les social-démocraties sont un peu à la dérive, si tu veux, tu vois. Donc, il y a nécessité de réinventer et puis surtout d'établir un rapport de force avec les capitalistes, c'est-à-dire où les cupides, les riches, hein, ceux qui pensent qu'à amasser du fric, quoi, à gagner du fric. Bon, comme dirait un économiste là, qui est pas mal en vogue en ce moment, Piketty, Thomas Piketty, tu vois pas, mais il explique, lui, que le capitalisme exige un rendement qui est supérieur à l'inflation, bon, ou à la croissance. Bon. Donc après, c'est une boule qui va enfler, qui va enfler, qui va enfler. Voilà. Exploser. Bah, peut-être exploser, j'en sais rien, mais en tout cas, qui se construit et qui se développe sur le dos de... Bah, qui gagne de plus en plus et qui produit de plus en plus d'inégalités, tout simplement. Hein. Quand tu as un système, tu vois, de financier ou d'exploitation d'autrui qui repose sur une rentabilité de 3, 4 ou, je sais pas, 10%, alors, entre 3 et 10%, alors que par ailleurs, la croissance, elle est à 1%, la richesse, il faut bien qu'il la trouve quelque part, tu vois. Il la trouve où ? Il la trouve dans la baisse des salaires, dans la surexploitation d'autrui, tu vois, comme les loyers, par exemple. Hein. Il la trouve dans la destruction de la protection sociale, c'est-à-dire de l'État, et qui procède à des redistributions, ça, c'est social-démocratie. Puis il la trouve aussi dans l'exploitation des pays du Sud. Et voilà. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut que ceux qui sont en bas de l'échelle... ils se mobilisent, ou avec ceux aussi qui ont peur de, tu vois, qui ont peur de, évidemment, de ça, de cette régression sociale. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et je pense que ça passera pas que par des. Nous, on développe là, on est vraiment sur la non-violence, enfin, des actions pacifiques et tout, parce que avec des familles, avec des enfants, des femmes. Ou des hommes même qui sont bon qui sont pas là pour se battre, qui sont là pour exiger qu'il y ait un droit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait des campements. Bon, de temps en temps, on se fait virer par les flics, on revient, on saisit le juge pour dire la liberté de manifester, tout ça. Bon, il nous arrive de gagner. Bon, on occupe des immeubles vides. On occupe. On s'installe dans des immeubles, qui sont vides. Hein. On demande la réquisition, l'application de la loi de réquisition. Et puis, on peut aussi aller envahir des sièges sociaux, d'organismes HLM ou des mairies, tout ça, pour dire, bon, écoutez, il faut reloger un tel. Il y a ces familles à reloger. Bon, faites votre devoir et appliquez la loi, respectez la loi, respectez nos droits. Parce qu'on a des lois maintenant sur le logement, c'est ce qu'on a gagné ces 25 dernières années. On a des lois sur le logement, maintenant il faut les appliquer. Alors ce qui manque, évidemment, c'est l'argent pour construire les logements sociaux, les terrains. Ce qui manque, c'est une volonté des pouvoirs publics, justement, pour édifier ces logements sociaux dont on a besoin. Mais on a du fric encore en France, hein, c'est pas un pays pauvre. On a du fric, on a l'épargne populaire. C'est-à-dire tout cet argent, ce qu'on appelle le livret A. Alors bon, c'est-à-dire en gros, c'est une épargne qui rapporte pas beaucoup, mais qui est gérée par la banque de l'État. Et cet argent-là finance la construction des logements sociaux. Donc on a un système comme ça qui est un peu vertueux, c'est-à-dire que finalement, c'est l'argent du peuple qui permet de loger le peuple. Tu vois. Et il est remboursé, parce que les loyers sont pas chers, donc les loyers sont payés, donc les prêts sont remboursés. Tu vois. C'est ça le principe, quoi. Alors évidemment, les capitalistes, les banques, tout ça, ils veulent le fric pour aller ensuite... spéculer sur les marchés financiers, avoir une frappe de plus importante, engranger des profits plus importants sur le dos des classes populaires de je ne sais pas où, tu vois. Et voilà. Donc, notre système, aujourd'hui, il marche un petit peu sur la tête. Voilà. Alors, nous, on se réunit ici, et puis on parle de tout ça. On se réunit ici, c'est ça que tu as dit ? Ouais. Ici, dans le village de... En Auvergne. Voilà, on vit en Auvergne, on respire un peu le bon air. Bon, manger des bons fromages, et puis discuter, débattre, et puis apprendre aussi les nouveaux textes de loi, les jurisprudences. En gros, aussi, avoir un petit peu de technique et de compréhension sur ce qui se passe pour pouvoir en parler avec les mal logés, les sans logis, les locataires. D'ailleurs, en parlant des locataires aussi, même dans les logements sociaux aujourd'hui, le logement social en France n'est pas à l'abri du système. Il n'est pas en dehors du système dans lequel on est. Et donc, il y a ce que nous, on a appelé une marchandisation du logement social. Eh bien, donc, on commence à faire un travail d'organisation et de mobilisation dans les quartiers HLM, quartiers de logement social. Voilà, c'est encore un nouveau défi, là. Allez, on va y aller. Mais on aimerait, en tout cas, que... c'est notre contribution, en tout cas... à la lutte, et peut-être que ce combat va donner un peu d'espoir, parce que bon, on gagne quand même. Pour l'instant, on gagne. Vous gagnez quoi ? On gagne des relogements. Les familles sont logées quand elles se mobilisent. Et puis, on a des avancées juridiques, des droits qui sont créés. Par contre, sur la situation économique générale, là, pour l'instant, on ne gagne pas. C'est clair. Qu'en 25 ans... en 25 ans, les loyers ont augmenté, l'épuration sociale s'est accentuée, la spéculation immobilière s'est développée. Donc ça, c'est le système qui est là. On ne peut pas combattre tout seul là, contre ce système puissant qui consiste à enrichir une petite poignée de privilégiés, quoi. Et comment ça se fait que toi... Parce qu'on t'appelle Babar. C'est Babar, c'est un éléphant bourgeois, Babar. Ou ça n'a rien à voir. Pourquoi on t'appelle Babar? C'est un surnom qui me vient de... Parce que je m'appelle Jean-Baptiste. Quand j'étais très jeune, déjà un peu militant, il y a un ami qui m'a appelé Jean-Baptiste, Jean-Baba, Babar. Allez, je t'appelle Babar, ça te va très bien. Bon, voilà. Je suis devenu Babar. C'est mon surnom. Et quoi, tu fais ça toute ta vie alors, Babar, de défendre le droit du logement, c'est ton métier, c'est ta vie, c'est... Je fais ça et puis j'enseigne aussi dans une école d'archi. J'enseigne le droit au logement. Ce qu'un architecte doit veiller quand il intervient dans les quartiers anciens, etc., sa responsabilité, prendre en compte les gens. Et puis j'envoie des architectes aussi faire des relevés, des étudiants faire des relevés dans des taudis, comme ça, ça leur permet de... un peu de garder quelques souvenirs impérissables. Quand on va dans un taudis, on s'en souvient. Et voilà, donc ils prennent les maîtres, ils font un constat, ils voient il y a des taches, des taches d'humidité, des moisissures, des rats, des cafards, des peintures qui se cassent la gueule, des fenêtres qui ne ferment plus, tu vois. Bon, puis des familles qui vivent là-dedans, ils s'en souviennent, quoi. Et puis surtout, ils font le relevé, parce qu'après, c'est utile pour les démarches. Les gens, ils peuvent faire des démarches. C'est mieux. Ils arrivent avec un petit dossier quand ils vont voir leur assistante sociale ou leur adjoint au maire. Là, ils disent ça c'est du vrai, c'est pas que du blabla. Regarde, il y a quelqu'un qui est passé qui a fait ça. Par exemple, tu vois. Bon, c'est pas ça non plus qui va régler le problème, mais ça peut les aider. Puis du coup, ça peut ouvrir aussi des procédures qui peuvent aboutir sur des solutions de relogement. Donc il y a la démarche individuelle, mais on connaît bien les limites de la démarche individuelle. Et c'est pour ça qu'on est vraiment, nous, sur l'action collective. C'est l'avenir. Je pense que vraiment, il faut que les pauvres et classes populaires sortent de l'isolement dans lequel on les a jetés pour reprendre leur... pour reprendre du pouvoir et de la dignité. Et tiens, le droit au logement, tu parles aussi des logements cabanes, yourtes, tipis, tu parles c'est aussi ces gens-là ? Bien sûr, mais ça, bien sûr, mais là, c'est plutôt dans la campagne, quoi, plutôt. Il y a un peu les bidonvilles, il nous arrive d'intervenir auprès, avec les habitants de bidonville, pour peu qu'ils aient envie de s'organiser et de lutter. Bon. Mais pourquoi autant d'années, toi, tu es là-dedans, en fait ? C'est quoi le moteur de tout ça, en fait ? C'est un concours de circonstances. En fait, moi, je squattais déjà dans les années 80, début des années 80, avec une bande de squatteurs qui s'appelait les Occupants Rénovateurs. Donc l'idée... il y avait pas mal d'immeubles vides, il y avait pas mal d'opérations d'urbanisme qui s'étaient arrêtées dans les années 70 à Paris, parce que il y a des grands projets à l'époque. Alors, dans les années 70, après 68, le pouvoir à l'époque, avec le président Pompidou, avait décidé de faire de Paris une ville un peu à l'américaine. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire des routes, des autoroutes qui passaient dans la capitale directe. Toi. Donc l'autoroute, on équipait en voie rapide les deux berges de la Seine, tu vois, et on faisait un axe nord-sud qui traversait Paris. Bon, à Châtelet, tu faisais l'autoroute aussi, on imaginait les ponts, tu vois, qui passaient au-dessus de l'île de la cité. Et puis, et au milieu, ben, le marais, on foutait des tours là, de 20, 30, 40, 50 étages, tu vois. C'est ça le modèle, quoi, bon, le projet. Alors évidemment, il y a une résistance, et les défenseurs des vieilles pierres, du parc historique, associés avec les étudiants ou les mouvements issus de mai 68, hein, ont réussi à faire échec, si tu veux, à ce projet. Mmh. Bon, d'ailleurs, le gouvernement, à l'époque, était tombé, et puis ils avaient décidé de préserver Paris. Ceci étant, ça avait laissé des traces, puisque il y avait pas mal d'immeubles vacants, et donc, au début des années 80, j'avais participé donc, au squattage de plusieurs immeubles, et dont un immeuble qui était situé dans le 20e arrondissement, donc dans l'Est parisien, qui a un coin populaire, un quartier populaire. Et avec des amis, on avait squatté une usine désaffectée. Et puis, on avait, à l'époque, on avait organisé, avec des artistes qui étaient venus, des associations, on avait ouvert le lieu à ceux qui avaient besoin de locaux. Et ensuite, on avait fait une maison de quartier. Bon, on demandait aux artistes de faire au moins une fois par semaine des ateliers gratuits et ouverts sur le quartier, tu vois. Donc ça marchait bien, hein. C'était sympa, puis au bout d'un an, ils nous ont virés. Alors, bon, on s'est défendu, je me souviens d'ailleurs le jour où les flics sont arrivés, on était juste avant la trêve hivernale, on était la veille de la trêve hivernale, et je partais le matin parce que, mais demain, c'est chouette, on va faire la fête et tout, on va passer l'hiver. Alors, je ramenais des croissants, et des baguettes toutes fraîches, et j'arrive, je vois les CRS qui venaient de débarquer. Tu leur as invité à prendre le déjeuner? Non, il y a des flics en civil qui m'ont reconnu, qui ont commencé à me courir après. Ouais, enfin, ils m'ont montré du doigt. Moi, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille pour pouvoir prévenir, tu vois, rester un peu libre de mes mouvements. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, en 83, tu vois. Il y avait des fax. Oui, il commençait à y avoir des fax. Bon, mais c'était assez rare quand même. Et donc, j'ai couru. Alors, il y a deux flics qui me poursuivaient au milieu des embouteillages parce qu'il y avait des bouchons. Et alors, je leur balançais les baguettes et les croissants dans la figure pour vraiment pas être attrapé. Finalement, j'ai réussi à me sauver et j'ai atterri chez un vieux monsieur qui s'appelait Henri Bouteiller. C'était un vieux catho de gauche, quoi, qui me disait toujours « Babar, arrête de faire la fête et pense un peu à t'occuper des mal logés !» Alors, il me faisait la morale comme ça. Et lui, bon, il avait milité avec l'abbé Pierre. C'est une personnalité connue ici en France, qui était beaucoup respectée, très populaire et tout. Et puis, bon, quelques années plus tard, bon, entre-temps, j'avais un peu aidé quelques familles à se loger, mais enfin, c'était juste pour donner un petit coup de main. Et on me dit, écoute, il y a une réunion, il y a eu un incendie, un hôtel meublé où il y avait des familles pauvres. Était logé, qui avait brûlé. Et c'est un incendie criminel, puisque le feu, il avait pris sur l'escalier. Et donc, en bas de l'escalier, tu vois, l'escalier, cage d'escalier, ça fait une cheminée. Donc, ça, le feu, après, donc ils avaient trouvé des hydrocarbures. Bon, donc c'était un incendie criminel. C'était signé. Alors, il y a eu quelques morts. Les jeunes du quartier qui avaient vu ça, les flammes, les premiers, ils avaient été, tu vois, ils allaient en train de fumer des joints sur la place, tu vois. Mais ils s'étaient bougés et ils avaient sauvé pas mal de monde, des familles. Puis les pompiers étaient arrivés, etc. Mais il y a eu quand même deux ou trois morts. Donc, la ville de Paris, à l'époque, avait pris en charge les familles. Ils avaient hébergé dans des hôtels, mais ça n'avait duré que 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, les familles étaient dans la merde. Donc la solidarité locale s'est organisée à l'école. Les parents d'élèves qui prenaient en charge les gamins, tu vois, les potes de leurs gamins. Parce que il y a une école alternative, ça s'appelle l'école Vitruve. Et puis il y a eu ensuite des réunions. Puis j'étais invité à une réunion, on m'a demandé de venir à la réunion. Je suis arrivé un peu en retard. On avait fait la fête la veille. Et puis ils m'ont dit, écoute, t'arrives bien parce que justement, faut qu'on ouvre un squat. Alors tu vas nous aider à ouvrir un squat. Bon. Oui, bon, d'accord, il y avait le curé, Il y avait l'assistante sociale, les instits, les parents d'élèves, tout, tu vois, tout le monde était là. Je vais pas dire non. Bon, donc on a ouvert, hein, quelques jours plus tard, on a squatté un immeuble qui avait été repéré par le curé de la paroisse, en fait. Sur la même place, à côté de là où il y avait l'incendie, on n'avait pas vu, mais lui, il l'avait vu. Il avait l'œil. Et donc, on a squatté cet immeuble qui était 67 rue des Vignoles. Et c'est comme ça que, progressivement, bon, moi, je me suis un peu intéressé à cette question. Alors, ce qui m'a plu, c'est que, d'abord, on aboutit, c'est-à-dire, il y a des résultats. Tu vois, c'est une lutte très concrète et c'est une lutte qui gagne. Enfin, tu vois, c'est pas, on n'est pas sur une utopie où il faut... Tu vois, le matin du grand soir et tout, bon, OK, je suis d'accord, on est d'accord, la société merdique, etc. Mais au moins, on s'organise à notre échelle et, bon, on a des résultats. Donc là, après ça, parce que j'avais recruté quelques anciens squatteurs ou des squatteurs que je connaissais, donc le jour où on a ouvert cet immeuble, on a installé les familles sinistrées et puis on en a installé d'autres. Parce qu'il y en a qui sont arrivés, il y a plein de gens qui sont arrivés. Alors moi, j'ai gardé un logement, j'ai réservé un logement, je me dis, bon, ça peut servir, tu vois. Bon, et finalement, je suis resté avec les familles. Parce qu'il y a eu des problèmes. Bon, puis finalement, ça ne me déplaisait pas. C'était plutôt sympa, quoi. C'était sympa parce que, bon, il fallait s'organiser. Bon, ça prenait, tu vois, ça prenait un peu de temps. Mais c'était constructif, quoi. Constructif. Puis on a eu un concours de circonstances favorables, tu vois. Par exemple, Henri Bouteiller, il est venu nous voir un jour, puis il a dit, écoute, Babar, il y a une réunion juste à côté d'ici, il faut que tu y ailles absolument. Il parle du logement, de loger les pauvres et tout, faut que vous alliez raconter votre histoire, vous allez trouver des soutiens là-bas. Alors bon, on a pris notre bâton de pèlerin, puis on a été là-bas avec des habitants, quoi. Et quand on est arrivé à la réunion, donc on s'est présenté. Et à un moment donné, dans ceux qui participaient à la réunion, il y a un monsieur qui s'est exprimé, qui a dit « Oui, alors justement, c'est un immeuble sur lequel que nous avons préempté. On a un projet de logement social sur cet immeuble. Et donc, qu'on va acheter, il y a une promesse de vente qui est signée. Et on va faire du logement social sur cet immeuble. Donc voilà, c'est une situation... un peu particulière, donc pour l'instant on se prononce pas. Et puis celui qui préside la séance a dit oui, mais c'est intéressant, on peut peut-être quand même se rendre sur place puisqu'on est à côté et puis voir comment ça se passe. Alors on est reparti et en fait c'était le monsieur qui avait parlé, il représentait une association proche du mouvement Emmaüs et donc qui s'apprêtait à acheter cet immeuble d'un marchand de biens qui avait viré les locataires. Hein, qui était issu des classes populaires, c'est des locataires modestes. Et bon, voilà, il le revendait à celui qui voulait bien l'acheter. En l'occurrence, c'était cet organisme de logement social. Et donc, et il se trouve que nous, on s'est installé entre-temps. Alors, finalement, le propriétaire, le marchand de biens, ils ont dû parler au téléphone, tu vois. Donc, le marchand de biens nous a assigné. Donc, on a été convoqué au tribunal, et puis le tribunal, on a obtenu donc que le tribunal renvoie un peu sa décision. Bon, question de procédure. Et puis juste la veille de la trêve hivernale, l'avocat du propriétaire qui disait bon, il faut les expulser, rendez une ordonnance d'expulsion, monsieur le juge, monsieur le président, parce que les CRS sont dans la cour de la préfecture de police, sont prêts à les expulser. Alors on a eu peur, tu vois, enfin on était un peu angoissés, quoi. Et on était soutenu d'ailleurs par justement la personne qui présidait cette fameuse réunion et qui s'occupait de faire un état des lieux de la crise du logement en Île-de-France. Et finalement, le juge a dit bon, ben, je mets en délibéré jusqu'à la semaine prochaine. Donc la semaine suivante, on était dans la trêve hivernale, donc on avait la trêve hivernale. Ça, c'était en 86, fin 86, et finalement, on est resté 4 ans dans cet immeuble. La ville de Paris a relogé les familles sinistrées, mais on en a remis d'autres. À peu près tout, c'était reloger tout le monde ou rien du tout. Donc, ils ont relogé les familles sinistrées, puis il y en a d'autres qui sont arrivés. Parce qu'il y avait une crise quand même, il y avait beaucoup de gens qui étaient chassés de leur logement à cette période-là. Bon, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, ça n'a pas beaucoup changé, mais là, c'était quand même assez visible, tu vois. Bon, t'avais la ville de Paris qui arrivait dans un immeuble, un hôtel meublé, tu vois, qui est une forme d'habitat à Paris assez développée, et où les gens payent au mois, néanmoins, mais des logements qui sont meublés. Et donc, la ville de Paris arrivait en disant, bon, vous n'avez pas droit au relogement, on a racheté, ça y est, allez-vous-en, tu vois, donc les gens, ils partaient. Bon, alors on a mené des combats là-dessus, on a bloqué les expulsions des meublés, les obligés à les reloger, etc. On a ouvert des immeubles vides pour reloger les familles qui étaient à la rue. Tu vois, on a fait comme ça des choses au début. Et puis, progressivement, bah, y a une équipe qui s'est construite. Et c'est... Puis, on a... Cette idée aussi est venue d'organiser les mal logés. Bon, bah, après tout, on peut faire aussi un syndicat, les organiser, lutter, etc., pour faire valoir leurs droits. Donc, on a créé un truc qui s'appelait le comité des mal logés. Et puis, en 90, ils ont expulsé deux immeubles un peu phares du comité des mal logés. On occupait des immeubles HLM à l'époque. On avait décidé d'investir dans les logements sociaux, parce qu'il y avait tout le système clientéliste de Chirac qui attribuait à ses copains. Donc, on avait investi des logements sociaux. Et puis, le 2 mai 90, ils nous ont virés, les CRS. Alors, on a fait un campement, il y a une solidarité, etc. Et c'est à partir de là qu'on a lancé le DAL. On a dit, là, une association déclarée. C'est les mal logés, d'ailleurs, les expulsés qui ont dit, il faut faire ça. Hein, les porte-parole, tout ça. On a fait une réunion avec les familles. Ils ont dit, il faut créer une association déclarée qui organise les luttes des mal logés et qui soit aussi en capacité de négocier. Voilà. Et donc, c'est comme ça que le DAL a été créé. Et puis, les premières années du DAL, c'était des campements. Parce qu'on disait, bon, c'est pas la peine d'aller squatter. Si c'est pour se faire virer, autant aller camper tout de suite. Parce que l'objectif des familles, c'était d'avoir un logement social, tu vois. Il y a beaucoup de logements sociaux, quand même, en France. On a beaucoup de logements sociaux. Enfin, par rapport à d'autres pays, la France, le pays est relativement bien doté, tu vois. Bon, et donc, l'accès au logement social... Et une évidence pour quelqu'un qui a des petits revenus. Donc, voilà, c'était la lutte pour avoir un logement social. Donc on a fait des campements. Puis après, on est revenu au squat parce qu'ils ont réprimé les campements. Donc on a fait des squats à partir de 92. En 94, on a fait une série de réquisitions. Et la dernière, la fin 94, on a occupé un immeuble rue du Dragon. À Saint-Germain-des-Prés, tu vois, ça fait grand bruit, c'est en plein. Juste avant la campagne présidentielle et tout, l'abbé Pierre est venu nous soutenir, tout ça. Bon, on avait des personnalités qui nous protégeaient, en fait. Et puis voilà, les choses ont avancé comme ça, et de combat en combat, bon, ben, on a gagné des lois, on a obtenu des avancées, et puis des relogements. Et puis, peut-être un exemple aussi, une certaine confiance, je pense, des gens à l'égard de l'association. Parce que, bon, on vit modestement, tu vois, on a toujours fait attention à conserver notre indépendance politique, donc à ne pas nous présenter sur des listes électorales. De toute façon, ça ne sert à rien. Ouais, bon, après... c'est bien le politique, à un moment donné, qui va prendre des décisions, tu vois. Mais il faut qu'il y ait une pression sur le politique, sinon la décision ne se prend pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, il vaut mieux s'organiser à l'extérieur des partis, moi, c'est mon point de vue, tu vois, pour lutter et mettre la pression sur le politique. Bon, à un moment donné, le politique, il faut qu'il décide les choses. Donc, si la pression est trop forte, il va aller dans le bon sens, tu vois. Moi, je vois les choses un peu comme ça. Donc, le contre-pouvoir, quoi. Peser sur le pouvoir politique et les classes dominantes. Qui sont évidemment là derrière, tu vois, et qui ramassent le fric, qui gardent le pouvoir. Donc, c'est comme ça, à mon sens, que, en tout cas, jusqu'alors, c'est les marges qu'on avait. Après, on verra, hein, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ou 20 ans, les choses vont changer. Bon, on ne sait pas. Et puis également, l'indépendance religieuse, bien sûr, hein, ça c'est très important, et l'indépendance financière. Pas être dépendant des subsides publics, parce que là, on ne peut plus rien faire. Là, on les fait chier, hein, les gouvernements, les mairies, les régions, on les aiguillonne de manière constante, quoi. Babar dit Jean-Baptiste, ou plutôt Jean-Baptiste dit Babar, on arrive à la fin. Je trouve que t'as une bonne tête, Tu n'es, enfin c'est mon avis évidemment, c'est la radio, on voit pas. Je trouve que tu as une bonne tête. Ouais, toi aussi, toi aussi. T'as une tête. Non, mais tu as une tête pas du tout marquée, tu sais, dans le sens négatif. Tu as vraiment une tête de toute fraîche comme ça, pas du tout. Tu vois l'avenir du combat comment en fait. Tu as l'air plutôt quelqu'un, mais je te connais pas du tout. Tu as l'air souriant, tu as l'air léger, tu as une bonne mine comme ça. Pourtant. On voit bien que tu t'es plutôt jeune, hein. Mais t'as... Comment tu fais pour être comme ça Bah, j'en sais rien, moi, tu sais. Hein. Je pense que je suis nourri aussi par les... Je me nourris aussi des luttes, des combats, et puis de la confiance que, tu vois, qu'ont les gens. Et... Bon. Ça marche, on marche un peu comme ça aussi, hein. Moi, tu as l'air plutôt positif comme gars, même si tu dois voir des choses qui sont pas chouettes. Oui, bah voilà, tu vois, le matin en se levant, faut vite passer sous la douche, tu vois, pour parce que évidemment les choses sont pas très drôles. Tu vois. Et puis il y a toujours des moments où où l'émotion gagne quoi sur le et tu vois des situations qui sont tristes quoi, qui sont tristes à pleurer. Hein. Mais je pense que, oui, c'est ces combats et ces victoires et toutes ces relations, ces chaleurs, tous ces espoirs et ces moments un peu durs aussi qu'on a pu traverser, tu vois, qui font que, bon, voilà, j'y crois, quoi. J'ai une certaine foi dans l'homme. Dans les femmes aussi, parce que les femmes, sur le logement, c'est des combattantes, hein. Nous, c'est ce que j'ai compris, hein, ce que j'ai vu. Hein. Et bon, après, comment faire pour que ça rejoigne. Enfin, il faut aussi qu'il y ait d'autres combats qui se mettent en route. Donc, on est aussi toujours vigilant, tu vois. On fait attention à ce qui se passe autour de nous pour soutenir d'autres luttes Ce qui permet d'ailleurs aux mal logés de comprendre, de s'ouvrir un peu, tu vois, de comprendre aussi ce qui se passe en dehors de leurs problèmes de logement, voir qu'il y a des luttes ailleurs, tout ça. Bah si, ouais, mais c'est un truc. Oui, mais à mon avis, c'est les premiers concernés hein, de voir ce qui se passe ailleurs. Ils doivent le savoir. Oui, d'accord, mais ce qu'ils savent pas forcément, c'est que si tu veux, le combat, il se mène à tous les niveaux, tu vois. Donc et il se mène collectivement parce que tout seul, ça avance pas. Il y en a qui arrivent à s'en sortir tout seul. Ça, c'est le mythe libéral, tu vois. C'est-à-dire, il y en a quelques-uns qui arrivent à s'extraire de leurs conditions sociales parce que, je ne sais pas, parce qu'ils ont eu de la chance, parce qu'ils ont eu des opportunités, ils ont eu la finesse, tu vois, ils se sont adaptés à ça. Donc, ils ont réussi. D'autres qui ont gagné au loto, je ne sais pas quoi. Mais, tu vois, c'est exceptionnel. Tu ne sors pas de ta condition sociale. C'est des débats qu'on a eus ici. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent, qu'ils se disent, bon, moi, je vais élever mes enfants, ils vont aller à l'école, ils vont aller à l'université et tout, et ils vont faire, tu vois, ils vont justement sortir de la pauvreté ou la misère à laquelle je suis. Alors, le raisonnement, il est juste. Sauf que, bon, aujourd'hui, même les diplômés sont au chômage et ils vont rejoindre les gens, j'espère, de ceux qui combattent pour leurs droits. Ouais, et pour une meilleure société. Donc, c'est pas évident. C'est-à-dire que, malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le monde pour être très riche, pour être super riche ou pour être riche. Voilà, tout simplement. Donc, il faut partager. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne dans nos sociétés, c'est à partager. Il faut partager. C'est chouette de partager.